bouge sur RPO. Ça bouge sur RPO. Tous les jeudis, avant Passe-Muraille. Sur le créneau 16h-18h. Ça bouge sur RPO. Vie de quartier, initiative des habitants, association, implantation d'un commerce, action culturelle. Venez vous exprimer sur Ça bouge, RPO, tous les jeudis avant Passe-Muraille. Qu'est-ce qui se passe les 22, 23 et 24 mars? Le festival Boulevard de l'Impro, deuxième édition, organisé par la compagnie La Boîte à Idées, soutenu par la ville de Pau. C'est quoi le Boulevard de l'Impro? C'est trois jours avec sept compagnies, sept spectacles. Tous totalement improvisés? Totalement, ça reste de l'improvisation. Et ça vient d'où tous ces spectacles? Ça vient de tout le sud-ouest, Anglette, Cahors, Toulouse, Bordeaux. Et bien sûr, Pau. Et c'est où que je dois aller? À l'espace Dansa, à Pau, 19 rue Bourbaki. Et je fais comment pour réserver et avoir plus d'infos? Tu peux réserver au 05 33 11 30 24 ou à Pau Tourisme, à l'espace Dansa ou à Ticketmaster. Et sinon, gagnez vos places sur RPO. Donc si je résume, on se retrouve à l'espace Dansa les 22, 23 et 24 mars. Et pour l'actualité, je suis le Facebook du Boulevard de l'Impro. C'est ça même, un week-end dédié au théâtre non conventionnel. Un événement organisé par la compagnie La Boîte à Idées. Comme tous les jeudis, en fin d'après-midi, émission dédiée à la vie de quartier. Dédiée à la vie de quartier, quartier, quartier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h05, vous êtes sur l'antenne d'RPO 97FM, émission Sabou. J'ai avec moi aujourd'hui Monsieur Germain. Bonsoir Monsieur Germain. Bonjour. Tout va bien ? Ça va, très bien. Avec une grande émission, beaucoup d'infos aujourd'hui, beaucoup d'infos, beaucoup d'invités, beaucoup de reportages à vous diffuser dans l'antenne de Sabouge. Vous connaissez le principe par cœur, évidemment. Nous commencerons juste après avec une séquence sur la ville de Pau en vous présentant les actions qui sont proposées par la ville de Pau dans le cadre du plan anti-solitude, un plan mené à partir de l'automne dernier et qui a donc été concrétisé pour l'instant politiquement par la présentation du projet vendredi dernier. Nous vous ferons un petit débrief d'ici quelques secondes avec Monsieur Germain. Ensuite, notez bien l'heure, 16h20, diffusion du reportage créé et réalisé par Monsieur Rémi Fischermann en collaboration avec le service périscolaire de l'école Pierre et Marie Curie. Alors ce reportage qui est tout simplement diffusé dans le cadre d'un projet qui part d'un constat très simple. Alors moi j'ai choisi de mettre en place ce projet avec ma collègue parce que j'ai pu constater que dans la cour de l'école souvent elle était occupée par les garçons qui prenaient toute la place en jouant au foot et les filles se mettaient sur le côté et je voulais que les enfants emmener les enfants à penser par eux-mêmes en leur donnant les bons outils, en leur donnant les bonnes définitions et pour qu'ils puissent par la suite éradiquer les stéréotypes si possible. Effectivement, Mélanie, animatrice à Pierre et Marie Curie, a constaté qu'il y avait une séparation entre les filles et les garçons dans la cour de l'école. Elle a donc mis en place le projet En route vers l'égalité, avec l'aide de sa collègue Nina, pour sensibiliser les enfants à l'égalité filles-garçons dans une démarche citoyenne. Le but, il est que les enfants ne s'imprègnent pas du schéma de la société, mais qu'ils puissent émettre leurs propres opinions. Elles ont mené plusieurs actions en amont de l'émission, comme un débat sur les stéréotypes, un quiz relais sur l'évolution des droits de la femme, des jeux de coopération et pour finir, la création d'une chanson que vous avez pu apprécier en début d'émission et que vous pourrez encore apprécier plusieurs fois dans le cadre de l'émission Ça bouge aujourd'hui. Dans le cadre de ce projet, les enfants ont été acteurs tout au long du projet, ce qui a évidemment décupler leur implication. Enfin, à 17h, nous recevrons la compagnie La Boîte à Idées pour venir nous parler du festival Boulevard de l'Impro qui se passe, vous l'aurez compris, ce week-end, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars. Concernant le plan anti-solitude de la ville de Pau, Monsieur Germain, j'aurais aimé que nous en discutions ensemble. Ce sont 12 actions qui ont été présentées par Monsieur le maire vendredi dernier, alors présentées par bien entendu la directrice de la communication de la ville de Pau, Madame Boyer, et appuyées par Monsieur le maire, introduites par Monsieur le maire. Ces 12 actions, nous allons vous les compter, nous allons vous les raconter et nous allons les débriefer ensemble, brièvement, bien entendu, afin que chacun comprenne quels sont les dispositifs mis en place par la ville de Pau pour lutter contre la solitude. Il faut savoir, avant de commencer, que Pau est la première ville de France à créer un tel plan. C'est-à-dire que partout en France, vous avez des actions qui sont menées, effectivement, mais c'est la première ville de France qui crée un tel plan afin de lutter contre la solitude. Donc, les actions, on va pouvoir en discuter. Elles sont évidemment pas parfaites, mais elles ont un énorme mérite d'exister. Et mine de rien, il y a une certaine cohérence qui se dégage de ces 12 actions. On va commencer par la première action, tout simplement. La première action, c'est un dispositif d'accueil des nouveaux Palois. Effectivement, nous pouvons très bien en parler parce que Monsieur Germain et moi-même ne sommes pas natifs et originaires du Béarn. Il y a à peu près 750 nouveaux Palois par an et l'objectif de la ville de Pau est de leur dire bienvenue et de les accueillir dans notre cité. Monsieur Germain, je crois que c'est un dispositif que l'on ne peut qu'accueillir. Ouais. Évidemment, oui, ce sont des choses qu'on ne voit pas et c'est vrai que l'intégration à Pau, nous, s'est faite à travers la faculté, mais pas à travers la ville elle-même. Donc je suis curieux de voir comment ils vont accueillir aussi. On peut se demander concrètement comment cette action va se réaliser. Mais c'est en tout cas très intéressant. Effectivement. Alors certaines de ces actions, vous le comprendrez très simplement, sont plus abouties que d'autres. Et nous n'avons pas les détails de ce dispositif, mais ça signifie qu'il y a déjà une prise de conscience de la nécessité d'accueillir les nouveaux Palois. Dans un deuxième temps, la deuxième action est la création d'une table partagée en collaboration avec l'université. De ce que j'ai compris, ce serait un dîner presque parfait chez les étudiants, sans les notes, c'est-à-dire la proposition aux étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, bien entendu, de s'inscrire à ce dispositif et d'avoir la possibilité de créer des tables partagées où on va manger les uns chez les autres. De la même façon, là, il s'agit d'une mise en relation de personnes. Et tout comme la première action, je ne vois rien à dire si ce n'est foncer et en espérant qu'il y ait de nombreux étudiants qui s'inscrivent. Oui, il me semble environ 10 000 étudiants à Pau et sur une ville qui fait 80 000 habitants, il me semble. Donc la population des étudiants est assez importante dans la ville, donc c'est très intéressant de les faire participer à ce plan. En pourcentage, ça nous fait ? Non, 10 000 sur 80 000. Ouais, 1 sur 8. Alors ensuite, la troisième action qui est un peu plus sociale. La troisième action qui est un peu plus sociale, c'est le resto du soir. Qu'est-ce que c'est le resto du soir ? Grosso modo, c'est la soupe populaire, tout simplement, qui est mise en place, comme dans de nombreuses villes, durant la trêve hivernale. Et là, le constat, il est simple, c'est que les personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, eh bien, ça s'arrête pas le 21 mars, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Ça ne s'arrête pas avec la venue du printemps, donc l'idée, elle, est de développer le resto du soir, cette fameuse soupe populaire, et de la mettre en place 365 jours par an, toute l'année, avec en plus la création d'un petit déjeuner plus le dimanche matin. Monsieur Germain, si vous pouvez d'ailleurs nous compter l'appel à manifestation des bénévoles lancé par la ville de Pau. Devenez bénévole au resto du soir. Dans un esprit de partage, afin de venir en aide aux plus démunis, le Centre communal d'action sociale de la ville de Pau a décidé de prolonger à l'année l'action initiée par l'association Le Phare, qui consiste à proposer durant la période hivernale un repas chaud le soir à ceux qui ont faim et qui sont dans le besoin. Nous prendrons donc le relais à partir du 1er avril dans le même local, boulevard Barbanègre, tous les jours de 18h à 20h. Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce resto du soir. 2 heures par semaine ou même tous les 15 jours vous seront demandées. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour éplucher, couper, laver, mettre la table, accueillir, servir, discuter. Un responsable établira un planning à l'avance afin que vos horaires soient modulables et les moins contraignants possibles. Pour des raisons d'organisation, inscrivez-vous tout de suite auprès du service accueil et insertion sociale CCAS de Pau, 1 place Samuel de l'Estabis, 64 000 Pau. Et au téléphone 05 59 82 21 35 avec le mail ais@ccas-po.fr ais@ccas-po.fr. Soyons solidaires, faisons vivre Pau ville humaine et d'avance, merci. Merci monsieur Germain. Effectivement, Pau qui a changé de logo, qui n'est plus pas Pau Porte des Pyrénées, mais Pau Capitale Humaine. Et monsieur le maire a effectivement insisté là-dessus lors de la présentation vendredi 15 mars, afin de l'objectif, mais de toute façon par la création de ce plan anti-solitude, et de donner une grande vision humaine de la ville de Pau. Toujours comme les premières actions, je vois pas de... Foncez, effectivement, allez au bout. Alors, pour information, sur le resto du soir, il y a énormément de personnes déjà engagées. Donc, allez-y et n'ayez pas peur de l'investissement qui va vous être demandé. Déjà, si vous vous inscrivez dès maintenant pour aller filer un coup de main pour le resto du soir, vous prenez contact, comme vient de l'affirmer M. Germain, avec le CCAS et la ville de Pau. Et déjà, à l'heure actuelle, avec le nombre de bénévoles prévus, on ne vous demandera pas plus de 2 heures toutes les 2 semaines. Et plus les personnes vont s'inscrire, évidemment, moins on vous demandera de vous déplacer souvent. Donc n'hésitez pas, foncez, 2 heures toutes les 2 semaines, 2 heures toutes les 3 semaines, pour que chacun puisse manger à sa faim. On va continuer tout de suite avec la quatrième action. La quatrième action, ce sont les dîners de l'été. L'idée, c'est un petit peu comme la table partagée en collaboration avec l'université pour les étudiants, mais ouvert à tous. Les lieux ne sont pas encore définis. Alors, monsieur le maire parlait des bords du Gave, notamment. Et l'idée est de trouver des endroits sympas pour faire des grands barbecues sur un mode auberge espagnole, ouvert à tous. Donc, encore une fois, idée très intéressante. On enchaîne avec la cinquième action, qui sont les après-midi dansants. Il y a un thé dansant au Palais Beaumont tous les mois. L'idée est d'en créer un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. Effectivement, si on entendait les amateurs de thé dansant, il y en aurait toutes les semaines. Et l'idée est de créer une espèce de mentalité, de vision, d'ambiance. Guinguette, balmusette, à l'ancienne. Donc, bien entendu, c'est thé dansant qui s'adresse à tous, prioritairement forcément aux personnes un petit peu plus âgées. Mais je pense que ces personnes seront tout à fait ravies si des jeunes n'hésitent pas à aller danser, au Palais Beaumont ou dans tout autre lieu où sont organisées ces thés dansants. Alors la sixième action du plan anti-solitude, c'est le bus de curiosité, cher à Monsieur Lacoste, adjoint au maire. Une fois par mois, une cinquantaine de personnes seront invitées à découvrir un monument ou une exposition, une activité culturelle de la ville de Pau, sans savoir dans quoi ils vont s'engager. Donc le bus vient vous chercher. Bon, je pense que les rendez-vous se feront en centres sociaux, MJC, mais de toute façon, voilà, rendez-vous dans le bus. Et le bus des curiosités vous fait découvrir la ville de Pau sous des angles que vous n'auriez pas envisagés ou vous ne seriez pas déplacé seul. C'est une action qui va débuter en septembre 2019. Vous comprendrez bien entendu qu'il faut un petit peu de temps pour vraiment concrétiser cette action qui est co-financée par le département des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Pau. Là, j'attends vraiment de voir, justement, ce sera une surprise pour tout le monde et je pense que c'est volontaire afin que nous puissions tous nous y intéresser. Et monsieur le maire comptait vendredi que beaucoup de Palois ne connaissent pas la ville comme lui la connaît. Lui, féru d'histoire, connaît bien entendu la ville de Pau. Et l'idée de ce bus des curiosités, elle est de faire voyager les Palois sans avoir besoin d'aller très très loin, monsieur Germain, sur ce point. Mais c'est vrai que avec la ville de Pau, il y a cette question de la mise en valeur de son patrimoine qui est assez importante, parce que je ne sais pas si grand chose est fait. Il y a tout tourne à peu près autour du château, qui est, c'est vrai, très beau, mais il n'y a pas que ça. Et donc, encore une fois, décidément, une bonne initiative, parce que c'est le faire découvrir le reste. Mais moi qui ne connais pas d'ailleurs non plus le reste, puisque du coup je ne connais que le château, vu qu'il n'y a que ça de mise en place. Vous l'avez visité ? Même pas. Moi non plus. Alors, le boulevard des Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées aussi, voilà. Avec les. Tout ça est très bien fait, mais voilà, il y a le château, les boulevards, donc à voir ce qu'on peut découvrir de nouveau dans Pau. Donc je trouve ça très bien de valoriser le patrimoine de cette manière. Effectivement. Et alors je suppose, mais j'attends, il ne faut pas trop s'avancer avec le bus des curiosités. Il faudrait être curieux et patient, que ce seront des visites de monuments. Et il parlait également d'activités culturelles, d'expositions, d'ateliers théâtre, entièrement gratuits, bien entendu. Donc voilà, le bus des curiosités, nous sommes curieux et nous attendons la mise en place de ce bus dès septembre 2019. Monsieur Germain, nous verrons si vous vous inscrivez pour aller découvrir cette magnifique ville. Ensuite, la septième action du plan anti-solitude, c'est la création d'une colocation solidaire. Alors, c'est pas encore très très très très abouti, mais l'idée, elle est de mettre en relation des personnes qui sont dans le besoin, sans leur enlever leur droit au logement et en leur permettant d'avoir un logement commun, des personnes qui ne se connaîtraient pas forcément. L'idée mathématique, elle est de dire qu'avec 600 euros par mois, il est difficile de vivre, mais qu'à 3, avec 2000 euros, c'est un petit peu plus simple. C'était l'idée présentée par M. Lacoste dans ce cadre-là. Donc ce sera en partenariat avec l'OCFA, si mes souvenirs sont bons. Et l'idée, voilà, elle est de ne pas supprimer les aides au logement dans le cadre d'une colocation, de ne pas les réduire, en tout cas. Et il y a une colocation test qui est en train d'être menée, donc nous attendons les retours de cette colocation test pour savoir si véritablement cette action ira au bout ou pas. Donc sur ce point, nous sommes un petit peu dans l'expectative. Huitième action du plan anti-solitude, tous au chantier, avec un objectif d'amélioration du cadre de vie. On peut faire une petite dédicace à nos amis les compagnons bâtisseurs sur ce point qui eux effectivement essayent de mener le même type d'action sur des chantiers participatifs. Et là par contre ce sera à l'échelle de la ville. Si des chantiers sont à faire, on va essayer de faire participer les habitants dans le cadre de ces chantiers. Ensuite, neuvième action du plan anti-solitude, c'est la création de kiosques de quartiers solidaires. Alors ce sont des boîtes à lire, un petit peu des boîtes à lire. Vous savez ce que sont les boîtes à lire ? C'est ces fameuses boîtes où vous avez des livres à disposition, où vous pouvez bien entendu déposer des livres et en prendre pour les lire tout simplement. 5 kiosques seront créés. Alors ce sont des boîtes à livres plus, hein. L'idée c'est vraiment d'apporter beaucoup plus d'objets dans ces kiosques que seulement des livres. Et alors sur ce point, l'objectif ultime serait même d'échanger des services dans le cadre de ces kiosques solidaires. Ce serait des lieux de rencontre à proximité d'écoles notamment, où les personnes pourraient se rencontrer et l'idée est de supprimer la notion d'argent dans tous les cadres d'échange et d'échange de biens ou de services. Alors sur les 5 kiosques créés, je crois, il me semble qu'il y en a un déjà existant à Berlioz. Et parmi les nouveaux créés, il y en aura en deux tours, un à la Pépinière et un au Lila, notamment. Affaire à suivre, nous espérons bien entendu l'inauguration de ces kiosques pour 2019. Dixième action du plan anti-solitude, ce sont les IMCV. Les IMCV, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les investissements modestes qui changent la vie. Tout simplement, changer un banc, planter un arbre, mettre des barrières ou enlever des barrières. Voilà, les citoyens de la ville de Pau seront appelés, invités à émettre leur avis sur ce point, afin que la ville, qui a déjà mis en place un budget pour ces investissements modestes qui changent la vie, puisse agir. Onzième action, c'est l'école du soir, où là, n'hésitez pas, l'école du soir, parce qu'on s'est rendu compte, la ville s'est rendu compte que de nombreuses écoles étaient inoccupées le soir, évidemment. L'idée est de permettre à chacun de suivre des cours du soir. Alors n'hésitez pas, si vous avez des talents, des savoirs que vous voulez partager, à contacter la ville de Pau, qui souhaite mettre en place cette école du soir dès la rentrée 2019. Et enfin, la douzième action du plan anti-solitude, c'est la création d'un macaron de l'autostop solidaire. Donc dans la ville de Pau, vous aurez des personnes avec des macarons qui affirmeront qu'ils sont prêts à faire des petits détours pour déposer les passants, les piétons, tout simplement. Donc voilà, c'est un autostop solidaire. J'attends de voir parce que il va pas être facile de créer un vrai système d'autostop urbain. J'attends, si ça se trouve ce sera une réussite, et c'était une idée citoyenne d'ailleurs, cette 12e action. Et enfin, pour assurer la bonne réalisation de ces 12 actions, vous avez 4 leviers de coordination qui sont affirmés, proposés par la ville de Pau. C'est bien entendu le signalement des personnes isolées, l'animation du réseau anti-solitude avec des réunions une à deux fois par an de tous les acteurs, l'amélioration du portail des associations sur le site pau.fr et la création d'un label. Il y a la création d'un label haute qualité humaine pour la ville de Pau. Donc certaines associations, certaines actions seront affiliées à ce label haute qualité humaine. Il est 16h22. Monsieur Germain, je crois que pour conclure très brièvement, puisque nous allons bien entendu passer à la suite, chapeau. Moi je dis chapeau la ville de Pau, et pourtant je ne suis pas. Je n'hésite pas, quand je ne suis pas forcément d'accord avec des actions qui sont menées par la ville de Pau, à le dire. Et là, sur ce point, j'ai trouvé l'idée de la création du plan excellente. Et les actions qui en découlent en 6 mois de travail, je dis chapeau. Mais oui, tout cela a l'air très, très cohérent, assez réfléchi, donc évidemment avoir. Toujours comment ça se met en œuvre, mais il y a derrière ça une solidarité, oui, qui est mise en place, qui fait plaisir à voir. Donc affaire à suivre, c'est très intéressant. Merci Monsieur Germain. Il est 16h23, vous êtes toujours sur RPO 87FM et nous allons vous laisser avec le fameux reportage, bien entendu réalisé par Monsieur Fishaman sur RPO. On vous rappelle le contexte. Alors moi, j'ai choisi de mettre en place ce projet avec ma collègue parce que j'ai pu constater que dans la cour de l'école, souvent, elle était occupée par les garçons qui prenaient toute la place en jouant au foot et les filles se mettaient sur le côté. Et je voulais que les enfants, emmener les enfants à penser par eux-mêmes en leur donnant les bons outils, en leur donnant les bonnes définitions et pour qu'ils puissent par la suite éradiquer les stéréotypes si possible. Bonjour, je m'appelle Azur, je suis en CM2, j'ai 10 ans, je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Bonjour, je m'appelle Miguel, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Salut, moi c'est Jade, j'ai 10 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Salut, moi je m'appelle Amy, j'ai 9 ans et je suis en CM1 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Bonjour, moi c'est Oriana, je suis dans l'école Pierre et Marie Curie en Pro. Salut, je m'appelle Nina et je suis animatrice à Pierre et Marie Curie. Salut, moi c'est Candice, je suis en CM2, j'ai 10 ans et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Moi c'est Chloé, j'ai presque 10 ans, j'ai un CM1 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Salut, moi c'est Kenzie, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Pierre et Marie Curie. Bonjour, moi c'est Mélanie, je suis animatrice à l'école Pierre et Marie Curie. Bonjour, Bonjour, moi je m'appelle Maxence, je suis beau gosse. J'ai 9 ans. Je suis tellement mignon que toutes les filles, elles craquent. Et je suis à l'école Pierre et Marie Curie, à Curie. RPO, le meilleur radio de Pau. La meilleure radio de Pau, RPO. Cette année, nous avons fait un projet sur l'égalité entre les filles et les garçons. Le premier, c'était un débat. On a fait aussi un quiz relais sur le droit des femmes. Et après, on a fait un jeu de loi sur l'égalité entre les filles et les garçons. Et on a fait une chanson sur l'égalité. Et notre club, à vrai dire, il s'appelle En route vers l'égalité. En route vers l'égalité. Qu'est-ce que la discrimination? La discrimination, c'est quand, par exemple, on trie des personnes par couleur de peau. La discrimination, c'est de traiter d'une autre façon quelqu'un alors que c'est un être humain comme nous. La discrimination, c'est que si on virait les gens parce qu'ils étaient différents de nous. Qu'est-ce qu'une discrimination ? La discrimination est le fait de ne pas traiter de manière égale certaines personnes en raison de certains critères, couleur de peau, sexe, rang social, etc. Mais aussi d'empêcher quelqu'un d'avoir les mêmes droits que les autres. Il ne faut pas la confondre avec une injure. Par exemple, si quelqu'un m'insulte parce que je suis une personne d'une couleur de peau différente, c'est illégal, mais ce n'est qu'une injure. Ce n'est pas de la discrimination. La meilleure radio de Pau. Ce soir, vous allez écouter RPO. C'est quoi un stéréotype? Mais qu'est-ce que c'est un stéréotype? Mais qu'est-ce qu'un stéréotype? C'est quoi un stéréotype ? Un stéréotype, et par exemple, les garçons, souvent, ils pensent que le foot, c'est que pour eux, tandis que ça peut aussi être pour les filles. Il y a des garçons, quand on fait le foot, ils ne nous acceptent pas, soit par la couleur de peau, soit parce que les filles peuvent être plus nulles qu'eux, alors qu'on a tous le droit de jouer. On a fait un débat et on a parlé des stéréotypes et on avait donné quelques exemples. Par exemple, il y a des garçons qui disent qu'on n'a pas le droit de jouer au foot parce qu'on est des filles. Mais aux États-Unis, par exemple, on voit plus les filles jouer au foot que les garçons. Pendant le débat, on avait vu que il y avait dans l'équipe masculine de football, il y avait Hugo Loris, le capitaine de l'équipe, qui était goal. Il était payé 560 000 euros, tandis que Amandine Henri, c'était la capitaine de l'équipe de foot féminine. Elle était milieu et elle était payée 60 000 euros. Stéréotype est une idée que les gens pensent qui ne sont par rapport une pour des personnes, mais qui ne sont pas au final pas forcément si vrai que ça. RPO, la meilleure radio de Pau. Bonjour, je m'appelle Emilien, j'ai 10 ans, je suis en CM2 dans l'école Pierre et Marie Curie. Moi, on m'a déjà dit, comme t'es un garçon, t'es pas souple. Est une idée préconçue que l'on attribue à un groupe de personnes, mais qui ne se révèle pas forcément vraie. Exemple, les femmes au volant sont dangereuses. On sous-entend que toutes les femmes sont dangereuses, alors que seules certaines femmes sont dangereuses. Tout comme les hommes peuvent l'être aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce qui vous permet d'être tous égaux ? On est égaux face à quoi ? La paix ? On est égaux face au loi. D'accord ? Ok ? Donc l'égalité, c'est grâce aux lois. Et ça n'a pas été toujours le cas. Vous vous souvenez le quiz relais ? Vous voyez, je mets en lien toutes les questions par rapport à mes activités. Je ne vous ai pas donné des activités au hasard comme ça. D'accord ? Donc il faut que vous parliez tout ça. Réveil. Allez-y. Je suis innocent. à l'école Pierre-Marie-Curie. Ben, à la récréation, on n'a pas, par exemple, les filles, elles ont soit cette récréation, les garçons sur cette récréation. On a tous la même récréation, dans la même cour. Avant, c'était pas pareil, parce qu'avant, les filles, elles faisaient absolument rien, tandis que les garçons, ils allaient à l'école, ils travaillaient, tandis que les filles, tout ce qu'elles avaient le droit, c'est de rester à la maison, faire le ménage et faire à manger. Avant, il y avait des écoles que avec des filles et des écoles que avec des garçons. Ils n'avaient pas le droit d'être mélangés. Par exemple, avant, les écoles, elles n'étaient pas mixtes. Il y avait des écoles de filles et de garçons. Et il y a certaines lois, c'est pour ça qu'on les a instaurées, pour que ça soit mixte. L'école, c'est une école mixte et les garçons ont le droit de jouer avec les filles et avant on n'avait pas le droit parce que les filles et les garçons, ils étaient séparés, du coup les garçons devaient que jouer avec les garçons et les filles qu'avec les filles. Tandis que maintenant, les filles et les garçons, ils peuvent jouer ensemble. Souvent sur le terrain de foot, on voit beaucoup de garçons mais presque aucune fille. Moi, vu que tous les midis, souvent, il y a foot. Donc moi, vu que je veux essayer d'y jouer, j'y joue, mais j'ai jamais la balle. Alors j'essaye de l'avoir, mais... Moi, quand j'ai peur de faire du foot parce que j'ai peur d'être humiliée. Parce que dans mon école, j'avais fait une fois du foot et tout le monde s'était moqué de moi. Et après, j'ai continué à en faire et personne s'est moqué de moi parce que j'étais devenue forte. Moi avant je voyais que les filles elles jouaient pas au foot, du coup moi aussi j'y jouais pas, même si je voulais des fois jouer. Et après je me suis rendu compte il y avait des filles qui commençaient à jouer, du coup moi je commençais à jouer, sauf qu'après les garçons ils me faisaient pas de passe. Du coup moi je me suis mis du coup en défense. Après moi j'ai récupéré plein de balles et après ils ont commencé un peu à me faire la passe. RPO, la meilleure radio de Pau. Mais c'est quoi l'égalité ? C'est quoi l'égalité ? Vu qu'on en parle, qu'est-ce que c'est l'égalité ? C'est quoi l'égalité ? Mais qu'est-ce que l'égalité ? Mais qu'est-ce que l'égalité ? L'égalité, c'est... Ça veut dire que tout le monde est égaux grâce aux lois, mais sinon tout le monde est différent. On n'a pas la même taille. Tout le monde est différent. C'est les lois qui nous rendent égaux. Attends, d'abord c'est au point de vue. Bah si, on est tous des êtres vivants. Oui, mais... Enfin, on est tous égaux. On a tous une barbe. Non. On est tous des êtres vivants. On va tous mourir. Tu peux en mourir. Je suis trop jeune. Sympa, hein. C'est bien. On a tous des égaux. Allez. Et on est tous égalités face à ça. On est tous sur la... On est tous sur la terre. Les pieds sur la terre. Est-ce que... Les pieds sur la terre. Est-ce que vous avez tous le droit d'aller à l'école ? Oui. Est-ce que là, vous êtes égaux ? Oui. Est-ce que les filles, elles apprennent moins bien que les garçons ? Non. Vous apprenez tous les mêmes choses ? Non. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous êtes égaux ? Hein ? Oui, les lois sur la terre. Sur la terre. Oui, on est égaux. On est parce qu'il y a d'autres pays où on n'a pas... Les femmes et les hommes, elles n'ont pas les mêmes... Encore des pays où les femmes elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit est-ce de voter. Est-ce que vous vous souvenez des pays là, il n'y a pas longtemps où les femmes ont le droit de conduire aussi ou en tout cas. Non. Il y a presque. Oui. En Arabie Saoudite, on a vu qu'elles avaient le droit de conduire que depuis l'année dernière. Oui. Ça va être dangereux sur la route, du coup, en Arabie Saoudite. Et ça, c'est quoi? C'est un stéréotypes. Merci. Ah. Femme volant. En retournant. On vient de commencer. Ok. Ensuite, c'est quoi pour lire? Non. Parce qu'on a chacun sa personnalité. Vas-y, Rodi. On n'est pas égaux parce qu'on n'a pas, on a pas la même personnalité. C'est vrai. Il y en a un qui ont moins de chance que d'autres. On est tous égaux parce qu'on... On est tous égaux parce qu'on a tous les pieds sur terre. Non, je ne sais plus. Si, on peut pas s'envoler. Mais j'ai pas les pieds sur terre. On est tous égaux parce qu'on a tous 5 doigts sur une main. Ouais, tout le monde n'a pas 5 doigts. Il y en a sur terre, je parle les 5 doigts, il y en a qui naissent comme ça. Il y en a qui ont des malformations. Voilà. Donc on n'est pas égaux. Tu sais qui veut lire la définition? Moi. Quelqu'un qui l'a pas lu. Moi. L'égalité est un rapport entre deux choses qui présentent un ou plusieurs aspects identiques. Exemple, quand deux personnes possèdent la même chose, c'est un partage équitable d'un goûter. C'est comme une division pour que tout le monde ait la même chose. À l'école, on a tous le droit à la même récréation. Au centre de loisirs, nous faisons toutes les mêmes activités. On est tous de parents, que l'on soit sans animal ou un humain. Bref, ça veut dire on est pareil. Qu'il y ait des différences dans la cour de récréation, on a tous le droit d'aller en cour de récréation. Oui. Vous comprenez la différence? Attends, ceux qui sont pas. Voilà. C'est pas un problème personnel. Ils sont bien, toujours l'exception, les gars. Ah, ils sont bien. J'en ai pas les bons. La meilleure radio de Pau. Ah, ouais, non. Ouais, va falloir me faire un jingle et chanter. Ouais. C'est quoi? Non, c'est Virgin Radio. Jingle. Un jingle, c'est quoi? Qui c'est qui peut expliquer ce que c'est? C'est quoi un jingle? C'est pas un c'est à la radio, quand tu écoutes la radio, des fois t'entends. J'entends radio machin. Non, mais non, c'est bien pour moi, j'ai pas vu une salle. Voilà, la radio Inside, il y a plein de jingles. Quand il y a radio Inside, il donne la fréquence. Je sais pas combien c'est. C'est combien radio Inside? 99,8. Voilà. Bah, ils disent pas Inside 99. Écoutez Radio Inside. RPO, c'est RPO 97 FM. Ok. Je suis pas. T'as une. Attention. T'as une chance de te faire repérer à la radio avec un beatbox. Mais non, je sais pas. Attends, je réfléchis mon rime. Tu sais pas en faire. Je réfléchis, mais... C'est bon. Il a le rythme. Voilà, après. Ah, c'est bien. Notre club, à vrai dire, il s'appelle En route vers l'égalité. En route vers l'égalité. Moi, par exemple, pour le ménage, c'est mes parents qui font les deux. Par exemple, mon père, il fait la poussière et parfois aspirateur. Et ma mère, elle fait ce qu'il reste à faire. Donc, ils se partagent la tâche. Moi, quand on change les ampoules, c'est souvent mon papa parce que ma maman, d'abord, elle aime pas et ensuite, elle a un problème au bras. il y a toutes les personnes et tous les adultes et tous les enfants, ils peuvent faire tous les sports. Parce que, par exemple, le rugby, les filles, elles peuvent en faire, et la danse classique, les garçons, ils peuvent en faire. Ben en fait, ma mère, elle fait tout le temps, elle veut faire tout le temps, par exemple, quand on a mis des choses à la machine à laver, et bien à chaque fois, c'est elle qui veut les plier, les mettre à sécher, et mon père, elle veut bien le faire, sauf que ma mère, elle veut pas. Et pour la cuisine, ben ma mère, des fois, elle a fait, et des fois, mon père. En fait, ils se partagent les tâches. Pour moi, tout le monde peut tout faire, quand il veut et où il veut. Moi, je fais le ménage dans ma chambre, mon papa, il cuisine, et ma mère, elle fait du sport. Ben, des fois, mon père, il est pas là, et ma mère, elle fait un peu de tout. Et quand mon père est là, ben, il se partage les tâches ménagères. Des fois, c'est mon père qui cuisine, des fois, c'est ma mère qui change les ampoules ou qui fait ou qui met l'électricité à la maison. Moi, chez moi, mes parents, ils se répartissent les tâches. Mon père, il fait le linge, il étend le linge, ma mère aussi, ils font tous la même chose. Oui. Après, aussi, on dit que les femmes, avant, on disait que les femmes, elles étaient bonnes pour la cuisine, les tâches ménagères et tout. Mais ma mère, elle sait très bien cuisiner les plats, et mon père, lui aussi, il sait très bien faire des plats. L'autre jour, il a fait une raclette, elle était très très bonne. Voilà. Mais moi, par exemple, mon père, il fait des hamburgers maison, ils sont meilleurs qu'au McDo. Eh bien, moi, j'ai pas d'anecdote. Chez moi, on se répartit les tâches, même si certaines choses, mon mari ne veut pas le faire, il le fait quand même, parce que nous sommes une équipe et que nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Alors, chez moi, je fais tout. Étendre les culottes et les chaussettes, c'est génial. J'en ai assez de la discrimination. Marre de la discrimination. J'en ai marre de la discrimination. Partageons les tâches ménagères. À quoi sert la discrimination ? À bas les stéréotypes. À bas les stéréotypes. L'égalité, je suis pour. J'en ai marre de la discrimination. J'en ai marre de la discrimination. À quoi sert la discrimination ? Ça sert à rien. Ça suffit la discrimination. J'en ai marre de la discrimination. Vive l'égalité ! Ah oui, pourquoi la discrimination existe ? Non, ça sert à rien la discrimination. J'adore l'égalité. Ben, Le projet, ben, c'était, il y avait une activité, il y avait plusieurs questions, on devait éclater des ballons, et dedans il y avait un numéro, c'était le numéro d'une question, et il y a la réponse, ben, toutes les réponses, moi, elles m'ont appris des choses sur avant, qu'est-ce que pouvaient faire les femmes, ben, elles pouvaient rien faire, tandis que les hommes, ils pouvaient travailler, conduire, enfin, faire tout ce qu'ils voulaient. Ben, moi, dans le projet de En route vers l'égalité entre les filles et les garçons, ben, moi, j'ai appris de nouvelles choses parce qu'avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire, un stéréotype. Ça nous a apporté une idée différente de ce qu'on pensait ben, des gens. Moi, le projet En route vers l'égalité, j'ai aimé parce que j'ai pu connaître les différents avis des autres personnes qui en pensaient et j'ai pu en réfléchir aussi. Moi, j'ai changé ma façon de penser suivant les filles et les garçons. Ben, que tout le monde peut faire un sport pas dédié forcément aux garçons ou aux filles. Moi aussi, j'ai changé mon point de vue sur les filles et les garçons. Ben, parce que de 1 à 20, je savais pas ce que voulaient dire les stéréotypes. Et maintenant, je sais. Et je sais aussi les reconnaître. Je suis d'accord avec Amy, ben, que j'ai appris le mot stéréotype. Mais en fait, quand j'ai découvert ce mot, eh ben, en fait, j'ai trouvé que c'était pas très bien parce que c'est un peu comme se moquer. On va les jeter à la poubelle. Les stéréotypes. Parce qu'ils servent à rien. Je voudrais que ça dure 100 ans. Alors moi j'ai choisi de mettre en place ce projet avec ma collègue parce que j'ai pu constater que dans la cour de l'école, souvent elle était occupée par les garçons qui prenaient toute la place en jouant au foot et les filles se mettaient sur le côté et je voulais que les enfants emmener les enfants à penser par eux-mêmes en leur donnant les bons outils, en leur donnant les bonnes définitions et pour qu'ils puissent par la suite éradiquer les stéréotypes si possible. N'oubliez pas de vous aimer. Bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous aimer les uns les autres. Bonne Saint-Valentin à tous et à tous. Votons pour l'égalité. 17h57 sur l'antenne d'RPO 97FM et on accueille la compagnie La Boîte à Idées pour nous parler du festival Boulevard de l'Impro. Trois petites minutes pour prendre le temps de vous présenter le Carnaval du Sport. Carnaval du Sport qui aura lieu demain. Et pour vous en parler, qui de mieux que la directrice de Fête le Mur ? Annelise Bardet, directrice de Fête le Mur. Les tremplins du sport, c'est quoi ? Alors, les tremplins du sport, c'est un événement ou plusieurs événements. L'idée, en fait, c'est d'aborder les domaines du sport et de l'animation avec les associations de quartier qui sont des structures d'accueil et de formation. Donc, le sport, on en fait dans le quartier, bien sûr. Ça part de la pétanque au tennis, à la gym, à la natation, au foot. On a plein de lieux d'accueil. Mais l'idée, c'est de penser aussi à son avenir, aux formations possibles et d'avoir des voix un peu diversifiées pour la suite. Donc, avec la FSGT, la FCH, l'association football club du hameau et Fête le Mur, nous avons décidé en fait d'organiser des événements pour cette mise en lumière en fait du sport et de l'animation dans le quartier. Donc, on sait que la FSGT accueille ou organise plutôt des sessions de BAFA et le football club du hameau et Fête le Mur accueille des stagiaires, aide à financer des diplômes dans le sport. Donc voilà, c'était une petite mise en lumière dans le quartier et pour dynamiser aussi tous les jeunes qui souhaitent préparer leur avenir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser le calendrier des tremplins du sport ? Alors, pour commencer, on va avoir le Carnaval du Sport, donc demain, vendredi 22 mars, où il va y avoir toute une animation à partir de 16h, donc Zara va nous en parler juste après. On aura aussi trois autres rendez-vous, donc le 12 avril, avec le quiz et l'animation sport de raquette, le 3 mai, animation c'est de la balle, le 14 juin, animation multisport, et à chaque fois, sur tous les rendez-vous, on organisera un stand et des témoignages de personnalités pour qui le sport ou l'animation a été un tremplin. Merci beaucoup Annelise. Zara, animatrice, Fête le Mur. Alors venez nombreux, on vous attend demain, vendredi 22 mars, pour le Carnaval du Sport. Alors au programme, 16h, déambulation avec les enfants du 4 coins du monde et du centre social, 17h30, goûter tous ensemble, et 19h, crémation. On vous attend avec votre tenue de sport. Merci beaucoup Zara, venez nombreux demain pour le Carnaval du Sport. Ça bouge.